I've been lonely, I've been waiting for you. I'm pretending, and that's all I can do. The love I'm sending ain't making it through to your heart. Tu cherches l'amour? Il y en a plus, on lui a tiré dessus en plein milieu de la rue. Pour ça, il sert à être pris en ta galère, c'est de la bonne pure. Grâce à un sperme, ta gueule, on t'a déjà vu. Prendre de la cocaïne, c'était ta bonne pure. Si tu sais pas de passe, prends ta ceinture. Mon size RF équipé, ça je te l'assure. Quand je fais un clip, je te dis c'est de la censure. Quand je fais chaud une meuf, ça devient une censure. Picra, tu shit devant les cafés, ils ont rien vu. Avoue comme moi que les gueules, c'est des tortues. Les clochards dorment dehors, pour eux c'est trop dur. Pendant que les bouches la coulent tous en côte d'Azur. Après minuit, Cendrillon vient t'asper. Cours vite à la FNAC, acheter mon CD. Écoute les petites tresses, puis je les traumatise. De Paris à Marseille jusqu'à Alger. Pleure pas, jaloux. Ta daronne a se fait tartiner par nous. Pleure pas, jaloux. Tu sais très bien que ta meuf est kiffe sur nous. Pleure pas, jaloux. Ta daronne a se fait tartiner par nous. Pleure pas, jaloux. Tu sais très bien que ta meuf est kiffe sur nous. De ton trapeau bleu, blanc, rouge. Moi tu sais je roule avec moi le Ferrari rouge. Toutes les meufs je les serre, je les tartine et je bouge. Quand j'entends les gyros par mon cœur, je tape une pointe, je cours. Morsize RF c'est la puissance. Morsize RF te met en transe. Morsize RF c'est la délinquance. Si tu pars derrière nous assume les conséquences. J'ai dépassé les 1 million d'euros d'amende. Les miches te me disent j'ai des beaux yeux en amende. Si j'offre une vague c'est que pour ma maman. Donc les pillages pleurez pas. Je vous ai mis à l'amende. Petit rat-taille. J'ai 49, j'ai toujours la dalle. Comme ta snick, la police municipale. Ça fait plaisir quand ce qu'il se mange une balle. Big up au frère qui soutient ses rêves et mon sale. Jaloux va niquer ta mère. Balance va niquer ta grand-mère. Saskin va niquer ton arrière-grand-mère. Toutes les putes, vous allez crever en enfer. Je m'en bats les couilles, je fais du son, nique les racines. Une grande pensée pour les frères jugés en assise. Pour ceux qui touchent leur ami et qui font du pis. Pour tous les Français qui sont parasites. Une grande dédicace à tous les médecins qui sauvent des vies. À tous les sans-papiers. À tous les gens qui aident les pauvres. À tous ceux qui font partie des associations. Big up à tous les banlieues, tous les frères, tous ceux qui sont en galère, les handicapés. Une grande dédicace à ceux qui voient pas et qui n'entendent pas. Morsaï.